su sera e anni a fuori, non ci metta sì, per notte. In ogni via, è un po' che si impegna a intervenire con lo Stato. Le titole sono di sì, di Stato, se sono morte, notre propos nous sera venu d'ailleurs, on entend mal au fond de la salle. Je vais m'efforcer, je ne le savais absolument pas la dernière fois, vous voyez qu'on avait une aussi bonne acoustique que dans l'amphithéâtre. Si on veut bien me faire signe au moment où, malgré moi, la voix baissera, j'essaierai de faire mon mieux. Donc, on a pu, en certains moments, se demander la dernière fois où je veux en venir. La vérité, cette sorte de question nous paraît enfin, assez prématurée pour être significative. C'est-à-dire que ce sont loin d'être des personnes négligeables, ce sont des personnes fort averties, entre eux on a été emporté, mais je crois tranquillement à elles-mêmes. Il serait peut-être, étant donné justement ce que j'ai avancé la dernière fois, plus impliqué de se demander d'où je pars. Même d'où je veux vous faire partir. Déjà, ça a deux sens. Ça veut peut-être dire aller quelque part, puis ça peut aussi vouloir dire décamiller de vous être. D'où je veux en venir est en tout cas fort exemplaire de ce que j'apporte. Concernant le désir de l'autre, qu'est-ce qui vous revient? Qu'est-ce qui peut? Évidemment, quand on peut le dire tout de suite, on est beaucoup plus dans son assiette. J'ai l'occasion de remarquer le facteur d'inertie que constitue et voir au moins quand on peut y répondre. C'est bien pour ça que l'analyse s'efforce de laisser cette question en suspens. Néanmoins, j'ai bien précisé la dernière fois que je ne suis pas ici dans la position de l'analyste. Nous sommes en somme. Question, pas obligé de répondre, je dois dire ce disant ce pourquoi j'ai parlé. J'ai parlé du semblant. J'ai dit quelque chose qui ne porte pas les rues tout d'abord. J'ai insisté, j'ai appuyé sur ceci, que le semblant qui se donne pour ce qu'il est la fonction primaire de la vérité. Il y a un certain « je parle » qui fait ça. Ce le rappeler n'est pas superflu pour cette vérité qui fait tellement de difficultés logiques donner sa juste situation. C'est d'autant plus important que s'il y a dans preuve, désignée comme ça, un certain temps, s'il y a dans preuve quelque chose qui soit révolutionnaire, j'ai déjà mis en garde contre l'usage abusif de ce mot. Mais il est certain que s'il y a eu un moment où Freud était révolutionnaire, c'est dans la mesure où il mettait au premier plan une fonction qui est aussi faible, c'est le seul élément qui est commun d'ailleurs, qui est aussi cet élément qu'a apporté Marx, c'est à savoir de considérer un certain nombre de faits comme des symptômes. La dimension du symptôme, c'est que ça parle. Ça parle même à ceux qui ne savent pas entendre. Ça ne dit pas tout, même à ceux qui ne savent pas. Cette promotion du symptôme, c'est là le tournant que nous vivons dans un certain registre, disons, c'est prospectif, ronronnant pendant des siècles autour du thème de la connaissance. Tout de même pas dire que du point de vue de la connaissance, nous soyons complètement dépourvus. Et on sent bien ce qu'il y a de désuet dans la théorie de la connaissance quand il s'agit d'expliquer l'ordre de procès que constituent les formulations de la science. La science physique donne des modèles actuels. Que nous soyons parallèlement à cette évolution de la science dans une position qu'on peut qualifier d'être sur la voie de quelque vérité, voilà ce qui manque. Une certaine hétérogénéité de statut entre deux registres. Ceci près, dans mon enseignement, et seulement là, on s'efforce d'en montrer la cohérence qui ne va pas de soi, ou qui ne va de soi pour ceux qui, dans cette pratique de l'analyse, en rajoutent quant au semble. C'est ce que j'essaierai articulé aujourd'hui. Et puis, une deuxième chose, semblant n'est pas seulement repérable, essentiel, pour désigner la fonction primaire de la vérité, mais impossible sans cette référence de qualifier ce qu'il en est du discours, ce qui définit le discours. Ce tout au moins par quoi l'année dernière j'ai essayé de donner un poids à ce terme, en définissant en quatre, que je n'ai plus la dernière fois que de rappeler moi, hâtivement, les titres. Moi, certains, bien sûr, trouvaient de l'art, permettaient chapitre l'énoncé de ce dont il s'agit, doit bien sûr travailler à y revenir et à montrer ce qui est. J'ai indiqué qu'on s'y reporte. Dans les réponses dites radiophoniques du dernier CI7, ce qu'il en est, en quoi consiste cette portion du discours que je l'ai énoncé l'année dernière. Il se supporte de quatre places privilégiées, parmi lesquelles une d'entre elles, précisément, restait innommée. Et justement, celle qui, de chacun de ses discours, donne le titre par la fonction de son occupant. C'est quand le signifiant maître est à une certaine place que je parle du discours du maître. Quand un certain savoir l'occupe aussi, on parle de l'université, quand le sujet, dans sa division, la prise de l'inconscient, qui est en place, que je parle du discours de l'hystérique. Et enfin, quand le plus de jouir l'occupe, je parle du discours de l'analyse. Cette place, en quelque sorte sensible, celle d'en haut et à gauche, pour ceux qui ont été là, cette place non désignée encore, je la désigne de son nom, du nom qu'elle mérite. C'est très précisément la place du semblant. C'est dire, après ce que j'ai énoncé la dernière fois, à quel point le signifiant, si je puis dire, y est à sa place. D'où le succès du discours du maître. Le succès tout de même. Il mérite bien qu'on y fasse attention un instant. Car enfin, qui peut croire qu'un maître n'est jamais régné par la force? Surtout au départ, parce qu'en fait, on me rappelle Hegel dans ce mirable Stavrota, un homme en vaut un autre. C'est le discours du maître. Mais la ligne, la structure, le point fort, autour de quoi s'entendent plusieurs civilisations, c'est que le ressort, tout de même bien d'un autre ordre, de la violence. Ce n'est pas dit que nous soyons sûrs d'aucune façon que, en ces faits, donc il faut dire que nous pouvons les articuler avec la plus extrême précaution, que dès que nous les épinglons d'un terme quelconque, primitif, prélogique, archaïque, soit quelconque, je vois, archaïque, archaïque, ça serait le commencement. Pourquoi? Pourquoi ce ne serait pas aussi un déchet, ça c'était primitif? Mais rien ne prend, ce qui est certain, c'est qu'elle nous montre qu'il n'est pas obligé que les choses s'établissent en fonction du discours maître. La configuration mytho-rituelle, qui est la meilleure façon de les épingler, n'implique forcément l'articulation du discours maître. Néanmoins, il faut le dire, c'est une certaine forme d'alibi que nous intéressait tellement à ce qui n'est pas le discours du maître. La plupart des cas, une façon de noyer le poisson. Quand on s'occupe de ça, on ne s'occupe pas d'autre chose. Et pourtant, le discours. toujours du maître d'une articulation essentielle. Et la façon dont je l'ai dite devrait être quelque chose à quoi certains, pas vous tous, certains devraient s'employer à rompre leur esprit. Parce que ce dont il s'agit, et cela aussi, je l'ai bien accentué la dernière fois, tout ce qui peut arriver de nouveau et qu'on appelle, en incitant sur le tempérament qu'il convient d'y mettre, tout ce qu'on appelle révolutionnaire, ne peut consister changement, en un déplacement du discours, à savoir sur chacune de ces places, en quelque sorte, pour faire image, en quelque sorte de crédibilisation de l'image peut-être conduire, représentée par, si on veut dire, quatre godets, qui auraient chacun leur nom, la façon dont dans ces godets glissent certains termes, nommément. De S1, S2, tant qu'au point où nous en sommes, S2 constitue un certain corps de sa voix, le petit A, il est directement conséquent du discours maître, le S barré dans le discours maître, cette place, qui est une place dont nous allons parler aujourd'hui, j'ai déjà nommé L, qui est la place de la vérité. La vérité n'est pas le contraire du semblant. La vérité, je veux dire, cette dimension, cette dimension, si vous me permettez de faire un nouveau mot pour désigner ces collègues, cette dimension qui est strictement corrélative de celle du semblant. Je l'ai dit, cette dernière, celle du semblant, la supporte. Alors, quelque chose s'indique tout de même. D'où veut en venir ce semblant? Il est clair. Ne sois pas offensé quand les ai entendus au passage se demander, en hochant gravement de leur bonnet paraît-il, est-ce que c'est un idéaliste pernicieux? Et avec quel accent, je dirais que enfin, je disais le contraire de ce que j'avais à dire. Par mettre l'accent sur ceci, que le discours, c'est l'artefact. Ce que j'amorce avec ça, c'est simplement le contraire. Parce que le semblant, c'est le contraire de l'artefact. Comme je l'ai fait remarquer, dans la nature, le semblant, ça foisonne. La question, dès qu'il ne s'agit plus de la connaissance, dès qu'on ne croit pas, c'est par la voie de la perception dont nous extrairions quelques-uns, et nous connaissons quelque mais au moyen d'un appareil qui est le discours. Il n'est plus question de l'idée. La première fois d'ailleurs que l'idée a fait son apparition, elle était un peu mieux située qu'après les exploits de l'évêque Berthelet. C'est Platon qu'il s'agissait et qui se demandait était le réel de ce qui était nommé. Un cheval. Son idée de l'idée, c'était l'importance de cette dénomination. Dans cette chose multiple et transitoire, d'ailleurs parfaitement obscure, à son époque plus qu'à la nôtre, la réalité d'un cheval n'est pas dans cette idée, en tant que ça veut dire le signifie un cheval. Il ne faut pas croire que parce qu'Aristote met l'accent de la réalité sur l'individu, il est beaucoup plus avancé. L'individu, ça veut très exactement dire ce qu'on ne peut pas dire. Et jusqu'à un certain point, si Aristote merveilleux logicien qu'il est, pour cela le pas unique, le pas décisif, dans sa toile, nous avons un repère concernant ce que c'est une suite articulée de signification. On pourrait dire que, dans sa façon de pointer ce qui est l'oussia, autrement dit le réel, il se comporte comme un mystique. Propre de Lucia, c'est lui-même qui le dit, c'est qu'elle peut d'aucune façon être attribuée. Elle n'est pas disciple. Elle n'est pas disciple, c'est vraiment ce mystique. Il me semble qu'il n'aborde pas ce côté-là, mais il laisse la place au mystique. C'est évident que la solution de la question de l'idée ne pouvait pas venir à Platon. Côté de la fonction et de la variable, que tout ça trouve sa solution. S'il est clair que s'il y a quelque chose que je suis, c'est que je ne suis pas nominaliste, je veux dire que je ne partage ceci. Que le nom, c'est quelque chose qui se plaque comme ça sur du réel. Et il faut choisir. Si on est nominaliste, il faut complètement renoncer au matérialisme dialectique. Sort qu'en somme la tradition nominaliste, je ne peux comment parler, le seul danger idéaliste qui peut se produire ici dans un discours comme le mien, est très évidemment écarté. Il ne s'agit pas d'être réaliste au sens où on l'était au Moyen-Âge, mais il s'agit de désir, de pointer ceci, que notre discours scientifique, ne trouve le réel qu'à ce qu'il dépend de la fonction du semblant. Les effets de l'articulation, j'entends algébrique, du semblant, et comme tel, il s'agit de l'être. Voilà. Le seul appareil au moyen de quoi nous désignons ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce qui fait trou dans ce semblant articulé qu'est le discours scientifique. Le discours scientifique progresse sans plus même se préoccuper s'il est ou non semblable. Que son réseau, que son filet, que son lattice, fasse apparaître les bons trous à la bonne place. Il n'a de référence que l'impossible auquel disent ces déductions, c'est apparaît le discours. Pourtant, c'est lui, dans sa rigueur, qui rencontre les limites de sa consistance. Voilà. Avec quoi nous disons dans la physique quelque chose qui est le réel. Ce qui nous importe dans ce qui nous concerne, pourquoi est-ce le champ de la vérité seulement ainsi qualifiable qui nous concerne? Je vais essayer de l'articuler aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne, nous avons affaire à quelque chose qui se rend, qui diffère de cette position dans la physique du réel. C'est quelque chose qui résiste. Conséquent de notre discours, cela s'appelle le fantasme. Ce qui est à éprouver sont ses limites et sa structure. Donc, le rapport dans un discours d'un des termes, du petit art le plus de jouir à l'esparé du sujet, soit précisé dans le discours du maire et à Rome. Dans la position tout opposée, celle où le petit a occupe cette place, ce sujet ne prend pas place où il est interrogé. C'est là que le fantasme doit prendre son statut. Son statut qui est défini par la merde d'impossibilité. Éclairer ce qu'il en est, d'où je veux en venir, je dirais un seul aujourd'hui marqué de ce qu'il en est de la théorie elle-même. À ce titre, je ne reviens pas, je saute par-dessus. J'ai ici m'adressant à vous. Je puis faire néanmoins que d'attirer votre attention sur ceci. Que si la dernière fois je vous ai interpellé, le terme qui a pu paraître impertinent, combien juste à vos goûts, de plus de jouir. Aurais-je parlé alors de quelque espèce de cave, de signal présent? Ça a pourtant un sens. Un sens qui est celui de ce que préserve. En aucun cas n'a le caractère de ce que Freud a désigné comme le discours du leader. C'est bien au niveau du discours, au début des années 20, Freud a articulé dans « Massenpsychologie » quelque chose singulier s'est trouvé être au principe du phénomène nazi. Reportez-vous au schéma qu'il donne dans cet article, à la fin du chapitre Identification. Vous y verrez presque. d'indiquer les relations du grand et du petit A. Vraiment, le schéma semble fait pour qu'il soit porté des signes latins. Ce qui, dans un discours, s'adresse à l'autre comme un tu, fait surgir l'identification de quelque chose qu'on peut appeler l'idole humaine. Si j'ai parlé la dernière fois du sang rouge comme étant le sang le plus fin, propulsé contre le sang blanc, c'est bien parce que vous avez vu. Il saurait s'avancer pour renverser l'idole, sans tout aussitôt après prendre sa place, comme on sait, c'est ce qui s'est passé pour un certain type de marque. Bien dans la mesure ou quelque chose. Dans tout discours qui fait appel au tu, provoque à une identification camouflée, secrète, qui n'est que celle à cet objet énigmatique qui peut être rien du tout. Le tout petit plus de jouir d'Hitler, qui n'allait peut-être pas plus loin que sa moustache. Voilà ce qui a suffi à cristalliser des gens qui n'avaient rien de mystique, qui étaient tous qui a plus engagés dans le procès du discours. Avec ce que ça comporte, de mise en question du sous sa forme de plus-value. Il s'agissait de savoir si, à un certain niveau, on en aurait encore son petit bout. Et c'est bien ça. Qui a suffi à provoquer cette identification. Il est amusant simplement que ça ait pris la forme d'une idéalisation de la race, de se voir de la chose qui, dans l'occasion, était la moins intéressée. Mais on peut trouver du procès ce caractère de fiction. On peut le trouver. Ce qu'il faut dire simplement, c'est qu'il n'y a aucun besoin de cette idéologie pour qu'un racisme se constitue. Le juif qui se reconnaisse comme tel. Et que quiconque s'intéresse un peu à ce qui peut advenir fera bien ce dire que toutes les formes de racisme en tant qu'un plus de jouir on suffit très bien d'à le supporter. Voilà ce qui maintenant est à l'ordre du jour. Voilà ce qui, pour les années à venir, nous pend au nez. Vous allez mieux saisir pourquoi quand je vous dirai ce que la théorie, l'exercice, imagine qu'on dit quelque chose, quand on dit que ce que Freud a apporté, c'est la sous-jacente de la sexualité, tout ce qui en est. Ça, quand on a été un tout petit peu touché par ce que j'énonce de l'importance du discours pour définir l'inconscient, et puis qu'on ne prend pas garde, je n'ai pas encore, moi, abordé ce qu'il en est de ce terme, sexualité, rapport sexuel. Il est étrange, certes, il n'est pas étrange que d'un seul point de vue, point de vue de la charlatanerie qui préside toute action thérapeutique dans notre société. Il est étrange qu'on ne soit pas aperçu du monde qu'il y a entre le terme sexualité. Il commence seulement à prendre une substance biologique. Je vous ferai remarquer que s'il y a quelque part où vous commencez à percevoir le sens que ça a, c'est plutôt du côté des bactéries. Du monde qu'il y a entre cela et ce dont il s'agit. Trébuchement auquel l'humain a pu supporter dans ce temps. Ce que Freud fait, fonctionne bien, l'impression n'a rien de biologique. Ça n'a le droit de s'appeler sexualité, parce qu'on appelle rapport sexuel, complètement légitime d'ailleurs, jusqu'au moment où on se sert de sexualité pour désigner autre chose, de voir ce qu'on étudie en biologie, à savoir les chromosomes et sa combinaison, XY ou XX ou XXY. Ça n'a absolument rien à faire avec ce dont il s'agit, qui a un nom parfait. Énonçable et qui s'appelle les rapports de l'homme et de la femme. Il convient de partir de ce terme avec leur sens plein. Il est très étrange, quand on voit Disney cette limite que les gens font pour penser à l'intérieur des cadres d'un certain appareil, qui est celui de l'institution psychanalytique, de me voir que tout n'est pas réglé par les états qu'on donne comme conflictuel, et il voudrait bien autre chose. Non, alors là, je reçois par exemple ceci, c'est qu'on n'attend pas du tout la face panique pour distinguer une petite fille d'un petit garçon. C'est pas du tout pareil. C'est merveilleux. Et alors, il signale que ce d'ici que je me retrouve, ce sera seulement au mois de février, au deuxième mercredi de février, vous aurez peut-être le temps de venir. Qui s'appelle Sex und Gender. Und Gender. C'est la nommée Stoller. C'est très intéressant. sur un sujet important, celui des transsexualistes. Un certain nombre de cas très bien observés avec leur corps et leur famille. Ça veut dire que les transsexualistes, c'est très précisément. On a des très énergiques de passer par tous les moyens d'un à l'autre sexe, plus à se faire opérer. Quand on est du côté mal. Voilà. Ce transsexualisme, tout à fait utilisable. Vous y apprendrez également ceci. Le complet, complètement inopérant de l'appareil dialectique avec lequel l'auteur de ce livre traite ces questions, et qui font, surgissent tout à fait directement les plus grandes difficultés qu'il rencontre pour expliquer ces cas. Les choses les plus surprenantes, c'est que la face psychotique de ces cartes, complètement éludée par lui, faut bien entendu se repère, sur la dernière, lui ayant, n'étant jamais parvenu aux oreilles, explique suite aux très événements la forme de cette mécanique. Et ceci, c'est que vous parlez d'identité de genre, ce qui n'est rien d'autre que ce que je viens d'exprimer dans ce terme, l'homme est là. Il est clair, la question est posée, de ce qui en surgit précocement, qu'à partir de ceci, à l'âge adulte, il est destin des êtres par l'homme de se répartir entre hommes et femmes et que pour comprendre l'accent qui est mis sur ces choses, sur cette instance, il faut se rendre compte que ce qui définit l'homme, c'est son rapport à la femme. Et inversement, que rien ne nous permet dans ces définitions de l'homme et de la femme de les abstraire de l'expérience parlante complète, jusqu'à y compris dans les institutions où elles s'expriment, à savoir le mariage. Si on s'agit à l'âge adulte de faire homme, que c'est cela qui constitue la relation à l'autre. Que c'est à la lumière, au départ, en partant de ceci, qui constitue une relation fondamentale. Et interroger tout ce qui est dans le comportement de l'enfant. Peut-être interprété comme s'orientant vers ce faire homme, par exemple. Et que ce faire homme, l'un des corrélats essentiels, c'est de faire signe à la fille qu'on l'aime. Que nous nous trouvons pour tout dire, placés d'emblée dans la dimension du semble, et aussi bien tout en mémoire, y compris les références qui sont communes, qui prennent partie à la parade sexuelle, mammifère, d'ailleurs, principalement. Mais aussi bien chez, dans un très très grand nombre de vues que nous pouvons avoir très très loin d'un kilomètre qui montre le caractère essentiel. limité au niveau brûlure de choc, qui n'a rien à faire ni avec un niveau cellulaire, soit chromosomique ou pas, ni avec un niveau organique, qu'il s'agisse de l'ambiguïté de tel ou tel tractus concernant la grenade, c'est à savoir un niveau écologique qui est celui-ci, celui proprement d'un sang. Une occasion d'éclairer ce qu'il en est de ce que je différencie depuis longtemps du passage à l'acte, à savoir l'acting out. Faire passer le semblant sur la scène, le monter à la hauteur de la scène, en faire l'exemple. Voilà ce qui, dans ce temps, s'appelle l'acting out. Mais c'est encore la passion. Mais quand je suis passé la lumière, vous remarquerez que c'est pas son propos. Et là, peut-être que je viens de faire une chose. On peut bien pointer, moins désigner ceci. C'est que si le discours, l'entente qui permet l'enjeu de ce qu'il en est du but de jouer. Savoir, j'y mets tout le paquet. C'est très précisément ce qui est interdit. Discours sexuel. Il n'y a pas d'acte sexuel. plusieurs fois, là-bas, ici, sous un autre angle. Et ceci est rendu tout à fait sensible par l'économie mais massive de la théorie analytique, à savoir si innocemment, si je puis dire, c'est en cela qu'il est symptôme. C'est-à-dire qu'il fait avancer une chose au point où elle nous concerne, le plan de la vérité. Le mythe de l'éthique, qui ne voit, il est nécessaire de désigner le vrai, car c'est bien ce qu'il y a la prétention de faire, le plus exactement, ce à quoi le théoricien est réduit. C'est que le réel, à proprement parler, s'incarne de quoi ? De la jouissance sexuelle. Comme quoi ? Comme impossible ! Puisque ce que l'éthique désire, c'est l'être mythique dont la jouissance sa jouissance celle de quoi ? De toutes les femmes. Qu'une appareil semblable imposé par le discours même, puisque ce n'est pas là le recoupement le plus sûr de ce que j'ai nommé théorie concernant la très valeur. Qui en est précisément de la jouissance. Ce que la théorie analytique articule, c'est quelque chose dont le caractère saisissable comme objet. Et ce que je désigne de l'objet petit a, en que par un certain nombre de contingences organiques favorables, il vient rempli, simple excrément, regarde une fois, la place définie comme celle du plus de jouir. Qu'est-ce que la théorie énonce, sinon ceci ? Quelque chose qui tend ce rapport du flux de fluide. Sinon, de voir la fonction de la mer vient à un point tellement prévalent. Le plus de jouir ne se normalise que d'un rapport établi à la jouissance sexuelle. À ceci près, tant qu'il est, sont signifiants. Tenir compte de ce qu'il y ait des femmes pour le garçon, de ce qu'il y ait des hommes pour la fille. Et ce qui est important, ce n'est même pas tellement ce qu'ils éprouvent. C'est la situation réelle, permettez-moi. C'est que pour les hommes, c'est ça qui l'échappe. Que pour les femmes, le garçon, c'est la même chose. C'est ça qui l'échappe aussi. Parce qu'elle n'acquiert qu'un pénis et que c'est raté. Le garçon ni la fille, d'abord, ne courent le risque que par les drames qu'ils déclenchent. Sont le phallus pendant un moment. Voilà le réel. Le réel de la jouissance sexuelle, en tant qu'elle est détachée comme telle, c'est le phallus. Autrement dit, le nom du père, l'identification dans ces deux termes. Et là, dans son temps, on a dit rigueuse. assurément, c'est pourquoi nous C'est précisément dans la question, dans ce combat, pour l'homme, l'heure de la vérité. On nous a énoncé comme étant le ressort de la nation, ne représente rien que l'horreur de cette vérité. Tout ça, bien sûr, aujourd'hui, j'essaie de vous développer comme on fait une fleur moderne. Il est fort de la agréable à tout ça encore. C'est ce qu'on empaquette d'habitude sous le registre du corps complexe. Et Et en quoi, là, avec cette étiquette, on est calme, on peut les laisser de côté. On n'a plus jamais rien à en dire. Sinon, c'est là, on lui fait une petite révérence de temps en temps. Mais que la femme soit la vérité de l'homme. De cette quelle histoire proverbiale, comprendre quelque chose, chercher la femme, soit on donne naturellement une interprétation policière, soit quelque chose de tout autre. À savoir que pour avoir la vérité d'un homme, il faut bien savoir quelle est sa femme. J'en donnez-vous à l'occasion, et pourquoi pas. C'est le seul endroit où ça ait un sens que quelqu'un un jour dans mon entourage a appelé le père successeur. Mais j'ai une personne qui a une tête qui faisait sa part. Quand il s'agit d'une femme, c'est pas la même chose. Désignait par signe qui veut dire le cœur, ce qui désignait c'était bel et bien le cas, Non, pas seulement la mère, tout le monde. Et si vous ne trouvez pas du côté de votre esprit, ne le cherchez pas du côté de votre chi, c'est-à-dire de ce que les jésuites traduisent comme ça, comme ils peuvent en faire le souffle de votre sensibilité. Je ne vous indique cet détachement pour vous dire la distinction qu'il y a très stricte entre ce qui s'articule, ce qui est discours, ce qui est l'esprit. Si vous n'avez pas déjà trouvé le niveau de la parole, c'est désespéré, n'essayez pas de le chercher ailleurs au niveau des esprits. Même ceux qui contredisent la parole. Mais il s'agit de savoir par quelle foi, pourquoi. Le livre va vous dire que, d'une certaine façon, mettre au premier plan tout appel discours, c'est pas du tout quelque chose qui nous fasse remonter à des archaïsmes. Parce que le discours à cette époque, à l'époque de Massus, c'était déjà parfaitement articulé. Mais ça n'est pas au moyen de référence à une pensée primitive qu'on peut le comprendre. La vérité, je ne sais pas ce que c'est. Chose beaucoup plus concrète d'avoir un autre pensée. Ce qu'on appelle le sous-développement. Et ça, le sous-développement, ça n'est pas chacun sait que c'est produit par l'extension du règne capitaliste. Je dirais même plus ce dont on s'aperçoit. En plus, c'est que le sous-développement, c'est très précisément la condition, en vrai, d'un certain angle, la révolution d'octobre elle-même en est une preuve. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce à quoi nous avons à faire face, c'est un sous-développement qui va être de plus en plus profond, de plus en plus étendu. Ce qu'il s'agit en somme, c'est que nous mettions à l'épreuve ceci, si la clé, n'est pas nous mettre au niveau de cet effet de l'articulation, c'est dans l'eau, pour l'année dernière, à nous donner sa racine dans le discours humain. Ça pourrait peut-être en donner un peu plus. Ce que nous pouvons tirer de ce que j'appellerais une logique sous-développée. C'est ça que j'essaie d'articuler. Comme disent les textes chinois, pour votre meilleur usage.